sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu es des fourmis, deviens cigale. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, il est 10h au Québec. Alors des bisous à ma petite équipe. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, il fait un peu moins beau qu'hier. Hein. C'est vrai. Mais bon, on est bien là, en studio. Bah oui, on est au chaud, studio. On est au chaud, tout ça. Voilà, bon, on aura une petite surprise tout à l'heure. Hein, ah oui, c'est vrai. Alors, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Pour cette émission, donc, un hommage à Dick Rivers, disparu le 24 avril dernier. Un des derniers, chanteurs de rock, hein, de rock and roll, après la disparition de Johnny. Donc, Dick Rivers, bon, bah, après, voilà, on a Eddie Mitchell, il ne faut pas porter. Oui. Voilà, il y a Eddie Mitchell, hein, c'était les trois copains d'ailleurs. Bah hein, oui, c'est on vrai. On va en parler tout à l'heure. Et puis, donc, deuxième partie, chansons sur les prénoms féminins. Ah, tout un programme, ça. Ah, bah, j'imagine. Tout un programme. Alors, je vous attends nombreux au standard, au 03 29 62 40 40. Pourquoi pas nous faire un petit coucou par téléphone? Bien sûr. Voilà, ça serait sympa. Et pourquoi pas nous livrer quelques petits souvenirs que vous avez peut-être eu, vous avez peut-être rencontré ces artistes qu'on va entendre, que vous pourriez nous livrer des petits souvenirs. Voilà, comme ça. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je rappelle que l'émission sera mise en podcast, comme à l'accoutumée, sur la page de notre radio, rubrique Les années bonheur. Tout voilà. À fait. Je signale aussi que. Alors, l'émission aussi sera rediffusée sur la radio de mon ami Danny Blondeau. Voilà, elle a monté une radio il y a pas très longtemps, un petit mois, je dirais. Donc, alors, pour écouter, c'est www.radiodani.fr. Alors, je lui fais un bisou, si toutefois elle écoute. Et donc demain, l'émission qui est passée la semaine dernière, l'hommage au crooner qu'on a passé la semaine dernière, ah oui, sera diffusée donc, demain vendredi à partir de 18h, donc sur radiodani.fr. Bien. Voilà, c'est bien, une petite collaboration avec Dany, un petit partenariat pour nos émissions. Voilà ce que je voulais dire. Donc on va commencer par ce humble hommage à Dick Rivers. Donc Hervé Fornery, de son nom, après Dick Rivers, c'est un chanteur de rock français, né le 24 avril 1945 à Nice, Alpes-Maritimes, mort d'un cancer le 24 avril 2019 à l'hôpital américain de Neuilly à l'âge de 74 ans. Au cours de ses 50 ans de carrière, il a enregistré 33 albums studio et 3 albums live. Donc bien sûr, le genre, son genre musical, c'est le rock and roll, country et puis la variété aussi. Voilà. On écoute une première chanson de Dick Rivers qui s'intitule « Faire un pont ». De ton visage à mon village, y a cette rivière qui coule toute l'année. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner traverser. si fort entre nous deux et le monde entier. Il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom. Faire un pont au titre des années 80. Alors, faire un pont, c'est marrant, ça me fait rebondir. On est au mois de mai. Oui, fait les ponts. Et puis, il y a des ponts au mois de mai. Hein. Donc, voilà, il y a le 1er mai, le 8 mai, il y a l'Ascension aussi. Oui. Hein, c'est ça. Alors, c'est plus des ponts qu'on fait, nous, c'est des aqueducs. Pourquoi pas? J'entendais ça, moi, quand des fois, quand j'étais encore au travail. Alors. Donc voilà, alors Hervé Fornery prendra son pseudonyme Dick Rivers du nom d'un personnage joué par Elvis Presley dans le film L'Envigneau. Ah oui. Ouais. Il était fan d'Elvis Presley. Il était fan d'Elvis Presley. Et donc Dick Rivers a la chance de rencontrer donc Elvis Presley en 1969 à Las Vegas. Oh la vache. Ouais. De cette rencontre, il dira, je cite, c'est comme si j'avais rencontré Dieu, mon créateur, l'homme qui m'a fait. Je suis rentré en religion grâce à lui, sa musique et son charme. C'est beau. Voilà, alors aussi pour la petite anecdote, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait les trois, Johnny, Eddie, Mitchell, Dick Rivers, voilà, trois copains de rock, etc. Et donc, Eddie Mitchell, qui était fan aussi d'Elvis, Johnny bien sûr aussi, fan d'Elvis, n'ont pas, eux, rencontré Elvis. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer Elvis. C'est-à-dire que Johnny, lui, s'est rendu aussi à Las Vegas, je crois, aux États-Unis, pour aller voir Elvis Presley. C'était en 1975, si je ne me trompe pas. Mais Elvis était déjà plus trop dans sa grande forme. Hein, parce que, faut savoir qu'Elvis est décédé en 1977, en août 1977. Donc, il était plus trop dans sa grande forme. Donc, Johnny est allé le voir en concert. Il avait pris un hôtel. Dans cet hôtel, il y avait Sammy Davis Jr. qui se connaissait. Donc, ils se sont rencontrés, si tu veux, tous les deux. Enfin, voilà, ils se sont rencontrés tous les deux. Et donc, Sammy Davis Jr. a téléphoné au producteur d'Elvis en lui demandant, en lui disant que voilà, qu'il y avait un artiste de France, un rocker de France qui était là, qui voulait le rencontrer, bien sûr. Mais malheureusement, ils n'ont pas accepté puisqu'il était déjà malade, tu vois. Il avait déjà pas mal de médicaments, donc il n'était pas en forme, voilà, quoi. Bon. Donc, voilà, pour la petite histoire, pour dire, voilà, Dick Rivers ne s'en vantait pas, mais il aimait bien dire que c'était le seul sur les trois copains à rencontrer Elvis. Et d'ailleurs, dans des magazines, etc., on voit la photo de Dick Rivers avec Elvis Presley. Wow. Voilà ce que je voulais dire aussi. Alors, on écoute une deuxième chanson de Dick Rivers. Où sont mes petites fiches? Voilà, une belle chanson, Les yeux d'une femme. J'ai joué beau cartes pour le Ouren Bacal, aux yeux d'une femme. Désabusé mais sentimental aux yeux d'une femme. Quand elle est entrée dans ma vie ce vendredi, j'avais pas ce qu'étaient les les yeux d'une femme. C'est l'Eldorado couvert de larmes, les yeux d'une femme. Un mélange d'érotisme et de charme, les yeux d'une femme. Quand elle me regarde, j'ai l'impression de l'embrasser. Je ne sais plus parler aux yeux d'une femme. J'aime tous ces longs silences fragiles qui planent entre nous deux, en gris et en bleu. J'aime ces instants d'amour cachés, plus forts que les aveux des amoureux. J'abandonne Mozart et Picasso aux yeux d'une femme. Je te dis que tout l'or du monde c'est zéro aux yeux d'une femme. J'ai pas besoin de la voir en film ou en photo. C'est trop bien sentir les yeux d'une femme. J'aime tous ces longs silences fragiles qui planent entre nous deux, en gris et en bleu. J'aime ces instants d'amour cachés, plus forts que les aveux des amoureux. Tu ne peux pas comparer l'Amérique aux yeux d'une femme. Tu ne peux pas préférer la musique aux yeux d'une femme. Les chagrins d'amour, il ne faut même pas y penser, pour ne pas voir pleurer les yeux d'une femme. Pour ne pas voir pleurer les yeux d'une femme. Pour ne pas voir pleurer les yeux d'une femme. On n'aime pas voir pleurer les yeux d'une femme. C'est vrai. Alors Dick Rivers, bien sûr, à ses débuts avec les Chats Sauvages, de 1961-1962. Il avait monté un groupe avec les chats sauvages. Oui. Bien sûr, Eddie Mitchell aussi, de son côté, lui, c'était les Chaussettes Noires. Ah ouais. Voilà, ouais, ça cortenait bien dans les années-là. Alors, bon, le début, après de nombreuses difficultés et sans argent, il passe dans le radio-crochet Paris Cocktail. Des représentants de la firme Pathé Marconi sont dans la salle. Elle leur propose une audition. Le groupe, sous le nom Les Chats Sauvages, sort en mai 1961 un premier super 45 tours chez Pathé Marconi. Le succès est immédiat et les tubes s'enchaînent. Alors, admirateur inconditionnel de Ginny Vincent et d'Elvis Presley, bon, bien sûr on l'a dit, Dick Rivers est avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, un de ceux qui ont popularisé le rock'n'roll en France. voilà ce que je voulais dire. Alors, il a déjà effectué plusieurs tournées en France, avec notamment Lucky Blondeau et Françoise Hardy, en 1965, il se lance à la conquête du Canada pour de nombreuses dates. Il figure sur la photo du siècle, prise par Jean-Marie Perrier, regroupant 46 vedettes françaises de l'époque du yéyé en avril 1966. Oui, voilà, vous faisiez partie, bien sûr, voilà, de l'époque yéyé. Oui. Et Jean-Marie Perrier, qui est un grand photographe de cette année-là, avait fait il avait réussi à réunir, quand même, c'est important, quand même, 46 oui. artistes ah, oui. de cette époque-là. Ouais, ouais. Donc, il a fait une grande, belle photo. Voilà. Waouh. Alors, pour revenir, Dick Rivers donc, a chanté au Québec. Il y a un journaliste, lors de la tournée H Tendre, 2018, lui a posé la question. Il a répondu ceci. En 1965, ma première tournée au Canada, ma vie a été chamboulée parce que je n'imaginais pas être aussi populaire là-bas. Les Québécois m'avaient adopté et depuis, il y a une vraie histoire d'amour entre eux et moi. À tel point qu'il y a deux Dick, celui en France et celui au Canada. Par exemple, je modifie mon tour de chant à 80% lorsque je vais chez eux. Voilà. Eh ben, c'est pas ouais. Alors, on peut venir aussi sur les années. Alors après, bon, les années 70, bien sûr, arrivent. Hein, donc, la fin des années 60 semble un peu difficile pour lui. En effet, donc, la vague yéyé est passée, le mouvement hippie en pleine expansion, mais sur la touche un certain nombre d'artistes comme Dick. Voilà ce que je peux dire. On va passer donc à une autre chanson. Alors là, on va chanter, voilà, là, on va bien entendre le rocker Dick Rivers dans cette chanson Rock'n'Roll Star. Voilà, 1 million 45 tours vendus avec ce titre en 1974. Ah oui, celle-là, je la connaissais bien. Tu la connaissais bien, celle-là ? Ouais. Ah oui, ça a bien marché. Il y en avait une autre aussi. Bon, c'est vrai que je n'ai pas pu tout mettre. Il y a quand même, bon, comme on disait au début, hein, 30 albums. Il a fait 30 albums, Dick Rivers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles chansons et tout. Voilà, bon, là, c'était un humble hommage que je voulais rendre. Mais c'est vrai que voilà, j'ai fait un petit choix. Bah oui. Il y avait un autre titre qui bougeait pas mal comme ça, c'est « Maman n'aime pas ma musique ». Je ne sais pas si tu connaissais ça. Ah non. Pareil, ça... c'est un peu dans le même style, tu vois, d'accord, bien rythmé, ça chauffait bien. C'est possible. Ça, c'était nos années ados, on s'éclatait bien là-dessus. Voilà. Alors, dans les années 70, quelques succès, dont certains écrits par Alain Bachung, viennent ensuite rappeler Dick Rivers au bon souvenir du public. Avec cette chanson Marie-Lou, Rock'n'Roll Star, dont on vient d'écouter, Hey Mama, et surtout Maman n'aime pas ma musique, qui deviendront disque d'or en 1974. Les années 80 Quelques succès ponctuent la carrière plutôt calme de Dick dans les années 1981. Cinderella, avec ce titre-là. Alors, ce titre-là, on l'écoutera aussi dans la deuxième partie d'émission, Les prénoms féminins. On l'écoutera en tout dernier. D'accord. Voilà. Les yeux d'une femme, bon, qu'on vient d'écouter. Et Nice B des anges, qu'on va écouter tout à l'heure. Diversifiant ses activités pendant 10 ans entre 1982 et 1992, il anime une émission quotidienne consacrée au rock sur Radio Monte Carlo, qui s'intitule L'âge d'or de la pop musique. Voilà. Eh bien, dis donc, pour, quotidienne voilà, en plus. Quotidienne, ouais, voilà. Pour, voilà la partie hein, 70-80, c'est vrai que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, en fin 60, ils disparaissent, hein, les chanteurs yéyé, oui. Tout ça, voilà. D'autres arrivent, etc. Ils les poussent un petit peu à la porte. Voilà, donc, et puis après, bon, ben voilà, quand même, il fait quand même quelques chansons, bien sûr, et puis d'activité dans ces années 80. On écoute une autre chanson, alors celle-ci un peu plus calme, un petit peu plus douce, hein, qui est des années 80, qui s'intitule « Je pense à toi ». Qui d'un coup vous rappelle des souvenirs mélangés, comme un si beau regret, une blanche prière, le long chapelet de ces rivières, comme quand parfois je pense à toi. Essentielles qui se télescopent du désert de Paris à Paris, mes rêves s'entrechoquent comme cette fille qui passe sur la passerelle du bleu du ciel au goût du miel. À toi. C'est indéfinissable, l'eau et le sable, l'amour, la haine. Comme quand parfois je pense à toi, comme un si beau regret, une blanche prière, le long chapelet de ces rivières, comme quand parfois je pense à toi. Voilà, je pense à toi, titre des années 80. Alors les années 90, après de nombreuses années d'absence sur les planches, Dick Rivers entame une tournée commune avec Francis Cabrel, intitulée Rock'n'Roll Show. Rock'n'Roll Show, voilà c'est ça. Interprétant des standards américains du rock en anglais. Toujours aussi apprécié au Canada, une compilation de ses meilleures chansons de la période 61-69 sort en 1993. Nouveau succès et tournée triomphale pour le rocker français. En France, la compilation Véridique, sortie l'année suivante, retrace quelques 33 ans de la carrière de Dick Rivers. Après avoir longtemps hésité, Dick Rivers accepte pour la... Là, je reviens dans les années beaucoup plus... Dans les années 2000-2010. Hein. Donc, après avoir longtemps hésité, Dick Rivers accepte pour la première fois de participer à la tournée H-Tendre, la tournée des idoles, qui fait le tour des grandes villes dans les grandes salles de France entre janvier et avril 2018, aux côtés notamment de Sheila, Nicoletta, Dave, Michel Thor ou Isabelle Aubray. Et bien entendu, t'avais été les voir. Et oui, j'ai eu l'occasion. Tu pouvais pas manquer ça. Mon petit programme, tu vois, je te montrais. Oui, c'est vrai que non, je pouvais pas manquer ça. Voilà, on est fans. Voilà, oui, c'était donc j'étais allé les voir en janvier 2018. Donc j'ai eu l'occasion de voir Dick Rivers en séance de dédicace et puis bien sûr sur scène, hein, forcément. Ouais. Voilà, toujours avec sa belle voix, quoi. C'est vrai, quoi. Mais c'est vrai que bon, on savait pas qu'il était malade à cette époque. Mais c'est vrai que bon, physiquement, on le voyait quand même un petit peu. C'était un petit peu difficile. On sentait défaillant. Qu'il était un petit. Voilà, c'est ça. C'est vrai que mais très très très sympathique, hein. Après la tournée H Tendre où il va effectuer 62 concerts, il part en tournée solo pour une tournée 100% rock'n'roll dans plusieurs villes et festivals de France à partir de mai 2018 pour une vingtaine de dates. Il effectue son dernier concert le 16 décembre de la même année. Voilà, c'était son dernier concert à Dick Rivers, donc 16 décembre donc de cette année 2018, hein, c'est bien ça. Alors voilà, on va écouter une dernière chanson de Dick Rivers qui s'intitule Nice Baie des Anges. Hein. Bon, chanson qu'il a écrite. Enfin, il n'était ni compositeur ni auteur. Il travaillait donc avec les compositeurs et auteurs. Bon, qui fait comment je veux dire, que c'est pour sa ville natale en fait, oui. Puisqu'il est né à Nice. Hein, voilà. Donc on écoute Nice Baie des Anges. À tes côtés. Voilà donc pour cet humble hommage à Dick Rivers, voilà. Je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup de choses à la télévision sur sa disparition par rapport à d'autres artistes. Et je lisais dernièrement dans un magazine, il y a juste dimanche dernier, Michel Drucker sur son canapé, enfin tu sais, il fait une émission oui, tous les dimanches. Dimanche. Il en a parlé juste un tout petit peu, enfin quelques mots en tout début d'émission, enfin c'était même pas en début d'émission, enfin, c'était dans le générique. Oui. Et j'avais lu sur un magazine que Dick Rivers déplorait que Michel Drucker ne l'avait jamais invité. C'est pas vrai. Si. Alors que bon, je pense qu'il avait sa place, hein, comme tous les autres artistes, puisque c'est vrai que bon, Michel Drucker reçoit de nombreux artistes de variété, que ce soit de cinéma, enfin ça, voilà, vrai. Tout ce qui touche. Mais il a jamais reçu Dick Rivers. Incroyable. Dick Rivers en était, je pense, peiné un peu, parce que je pense qu'il avait sa place là. Voilà. Ah bah oui. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est drôle qu'il n'y ait pas eu de... Oui. Ouais, c'est vrai quoi. Puis bon, on a pas vu grand chose quoi. Je veux dire, on n'a pas eu vraiment. Non. Moi, je sais que bon, on suit pas tout, mais bon, on a rien vu quoi. Enfin voilà. Alors maintenant, nous allons passer bien sûr à la deuxième partie d'émission pour les chansons avec les prénoms féminins. Alors amis ou auditeurs auditrices, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40 comme je vous le disais en préambule. Faites-nous un petit coucou si vous avez des souvenirs quand vous allez entendre les chansons. Nous raconter une petite anecdote si vous avez vu ces artistes-là, pourquoi pas, ça serait sympa. Bah oui. Ça serait sympa, voilà. Parlez-nous des prénoms féminins qui vous ont marqué. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Alors moi, là, dans ma liste, là, alors bon, comme d'habitude, j'en ai mis une tartine. J'ai toujours peur de pas en avoir assez. Je vais essayer de ne pas être trop bavard. Ah. Entre les chansons, pour qu'on puisse en diffuser le maximum. Je veux pas non plus faire. On aime bien quand tu parles. Mais oui, je sais, mais je veux pas faire non plus une émission de jukebox. Enfin, juste balancer les chansons comme ça. Alors, j'avais cherché dans mon quand j'ai préparé l'émission, je me disais, ah, il faut que je trouve une chanson sur l'IA. C'est gentil. Et puis, ben non, puis moi, ben, j'ai pas trouvé, mais. Enfin, toi, tu as vu quelque chose. Ah ben, c'était par hasard, oui. C'était par hasard, hein, donc... alors, bien sûr, on va l'écouter. Alors, c'est le nom d'une chanteuse. Voilà. C'est ça, qui s'appelle Lia. Oui, dont nous avons reçu le lien vers son clip sur une plateforme. Parce qu'ici, on reçoit pas mal de propositions. Bien sûr, j'ai pensé tout de suite à ton émission. Mais c'est très bien, Lia. C'était une bonne surprise. Ben voilà. Et le titre me paraissait en adéquation avec tout ce que tu proposes, parce que ça avait l'air d'être... Ça parlait d'amour. Voilà, tout à fait. J'ai pensé à toi. C'est gentil. Et puis, bah, moi, écoute, voilà, c'était de. Quand je suis arrivé là au studio, tu m'as annoncé ça. Je veux dire, voilà, c'est sympa. Puis, bah, écoute-moi cette chanson-là. Écoute, bah, je te la dédicace, puisque ah bah, tu es ma technicienne, là. Je veux dire, voilà. Donc, on va s'écouter cette première chanson. Je ne sais plus le titre. Par amour. Ah oui, par amour, pardon, excuse-moi. Ben voilà, par amour, on écoute. Ma plus belle richesse. Lia, belle parole. Bah oui, c'est ça. J'écoutais, sache que je ferais n'importe quoi. écoute, j'ai noté. Hein. Je trouvais que c'était portant. On avait envie de zouker dans les studios. De zouker, c'est vrai, oui. Non, j'ai noté hein, que tu ferais n'importe quoi pour moi. Tout c'est, du moins, c'est toi qui je précise, oui, tout, je te l'ai dit, tout du moins la technique. C'est ça. Puis l'amitié, bien sûr. Bah, bien entendu. Bien entendu, hein, voilà. Bien entendu. Alors, on va écouter la suivante. Alors, donc, je vais donner juste prénom. On parlera de l'artiste après. Alors, auditeur, auditrice, si vous avez envie de nous appeler, pour nous donner le nom de l'artiste, et puis ainsi de suite pour les autres chansons. On fait comme ça. C'est voilà, vrai. N'hésitez pas, soyez pas timide. Alors là, on écoute Cécilia. Ton lit est trop dur, pourtant il fait de beaux rêves. Oh Cécilia, ton vin est trop doux, mais j'aime son goût sur tes lèvres. Cécilia, quand on a 20 ans, on a tout le temps d'être fidèle. Oh Cécilia, si tu ne l'es pas, je ne t'en veux pas pour autant. Quand on s'aime, c'est le septième ciel. Quand on s'aime, c'est en Sicile. Quelquefois, les fleurs que tu reçois sont d'un autre que moi. Premier titre, Cécilia, bien sûr, l'interprète Joe Dassin. On a... Non. Non, voilà, non, je croyais qu'on avait quelqu'un au téléphone. Voilà. Alors, c'est une chanson de 1970, chanson que Joe Dassin avait repris du groupe Simon & Garfunkel. Ça s'appelait aussi Cécilia, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors là, maintenant, on va dire au revoir. Adieu, jolie Candy. Adieu, jolie Candy. on dit toujours ça. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Mais cet avion te ramène en Angleterre. Adieu joli Candy, adieu joli Candy. Je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. De la chance. Adieu Candy, adieu, adieu. Voilà, donc adieu joli Candy, vous aurez tous reconnu Jean-François Michael. Voilà, Jean-François Michael. Bon, je ris avec Lia parce qu'elle a un fauteuil qui est un petit peu bizarre. Un coup je la vois, un coup je la vois plus. C'est le réglage. Donc, pas être en technique et en ouais. Gestion de siège. Voilà, c'est ça. Donc Jean-François Michael, tu sais que Jean-François Michael a écrit, son vrai nom c'était, je ne sais plus, si ma secrétaire m'entend là. Il s'appelait Rose, je ne sais plus comment, enfin, il y avait un nom comme ça. Alors lui, il a écrit la chanson pour Stéphanie de Monaco. Ah bon ? Ouragan, tu sais, dans les années 80, comme un ouragan. Ouragan, tu vois. Donc c'est Jean-François Michel, donc c'est lui qui lui avait écrit cette chanson-là, tu vois. Je te dis que tu vas prendre des choses, Olivier. Ah bah oui, c'est sûr. Je te dis. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, on va dire « Oh, Lady Mary ». Voilà, vous l'avez dit, Marie, vous l'avez tous reconnu, David Alexandre Winter. Je vous en reparle dans quelques secondes. Donc, oui, alors, ma secrétaire m'a répondu. Merci, Patricia. Bah oui. Donc, Jean-François Michael, était son vrai nom, c'est Yves Rose. Voilà. D'accord. Voilà, donc, il avait. D'ailleurs, quand Stéphanie de Monaco avait sorti cette chanson. C'était signé Yves Rose, mais on ne savait pas que c'était Jean-François Michel. Voilà, voilà. Alors, David Alexandre Luther, alors là, lui, j'ai eu la chance de l'avoir ici, enfin, pas ici à la radio, je veux dire en phoneur, sur notre radio. Ah bon ? David, ouais, ouais, tout à fait, c'était en 2013. Il nous appelait des États-Unis. Oh. Imagine-toi. Bah, donc. On a fait une émission d'une heure ensemble. Parce que, bon, voilà, donc, David Alexandre Luther est un chanteur hollandais. Il a fait ce grand tube au Lady Mary en 1969. Ouais. Il a fait quelques 45 tours après, qui ont moins marché. Et puis après, bon, il a un petit peu disparu aussi de la scène, tu vois. Et après, il est parti aux États-Unis. Et puis, voilà, donc, je l'ai jamais vu, visuellement, enfin, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami, donc David Vincent, donc, dont je parle de temps en temps en Belgique, où j'ai enregistré mes quatre petites chansons. Donc, voilà, il m'a fait connaître un peu David Alexandre Winter. C'est un peu grâce à lui qu'il voilà, il nous a appelé des États-Unis, t'imagines, voilà. Une heure de temps pour faire une émission. Ouais, ah, c'était super, ouais, ouais. On a des scoops ici. Ah, tu vois, un petit peu. Ouais. C'est, hein. Et c'est vrai que je pense souvent, quand je vois des fois des artistes que je diffuse, enfin, ou dont on parle dans les émissions, et je me dis que c'est vrai que pour moi, c'était tous des chanteurs que j'aimais bien, forcément. C'est les années ados, hein, les années. Voilà. Et j'en ai. Bon, malheureusement, il y en a qui sont décédés. Mm-hmm. Mais je suis assez content parce que j'ai pu en avoir quelques-uns, tu vois. Comme ça, donc à la radio, c'est ça qui est formidable, quoi. Je veux dire, bon, je vais reparler de Pierre Charby aussi, c'est un ami, bien sûr, Pierre. Je salue, je lui fais des coucous, et puis à sa femme Cathy, s'il nous écoute, toutefois. Et c'est vrai que j'étais fan, je suis toujours fan, et tu vois, à cette époque, je me disais, mais bon, bien sûr, c'est la vie, c'est comme ça, on sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir et tout, mais voilà, je dis après, bon, tiens, j'ai quand même réussi à voir, voilà, en émission des artistes, et puis pour la plupart, voilà, on est resté amis. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on va continuer, parce que encore quelques titres. Alors là, on va aller voir Allô Georgina. Georgina, fait-il beau dans ton pays? Le ciel est-il bleu? Paris, c'est toujours gris. Mais si tu me revenais, je crois bien que tout reviendrait, que la nuit même brillerait. Ah, si tu voulais. Oh Georgina, oui, c'est atroce. Sans toi, je n'ai plus faim ni force. Et quel que soit tous tes reproches, ne te montre pas si féroce. Oh Georgina, oui c'est atroce. Sans toi je n'ai plus faim ni force. Je voudrais être un albatros pour voler jusqu'à Mykonos. Georgina, le soleil de Mykonos a-t-il fait oublier nos rêves de gosse? Oui, bien sûr, je t'ai trompé, mais c'était pour me prouver à quel point je t'ai aimé. Mais c'est le passé. Oh Georgina, oui, c'est atroce. Sans toi, je n'ai plus faim ni force.

Voilà, alors on a un petit message, Lia. Voilà, c'est de mon amie animatrice Mado qui nous écoute. Alors elle me dit « Coucou mon petit Gilou, je t'écoute, je t'adore ». Non, c'est pas « je t'adore », c'est « Juliana, j'adore ». Elle aime bien cette chanson, Mado. Coucou alors, Mado. Voilà, belle émission, bisous bisous, et à ta petite collègue. Ah bah c'est gentil, voilà, ça. C'est Mado qui... Mais c'est vrai qu'elle est petite, elle a raison. Oui. Non, t'es un petit peu plus... C'est siège. C'est le siège, c'est le fauteuil. Merci Mado, gros, gros bisous, puis à bientôt, je crois que tu viens bientôt dans les Vosges, hein. Nous danserons le Madison. Voilà, alors nous allons écouter maintenant, nous allons retrouver Hélène, s'il te plaît Lia, merci. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Reste ici, j'ai tant besoin d'une amie. Hell, the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi, là où le vent te porte loin de moi. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin de moi. Vous êtes avec Gilou et Lia sur le 107 FM Radio Yamoso dans les années bonheur. Voilà, on continue nos chansons avec les prénoms féminins. Ouais. On vient d'écouter Hélène, une belle chanson de, ah bah oui, de rock voisine. Hein. Ah oui. Ouais, oui, je voyais que tu étais imprégnée là, dans, j'étais cette, hein, t'étais fan, j'étais de, dans cette chanson-là. Alors c'était en 1989 pardon, qu'on découvre rock voisine avec, ah oui, avec cette chanson. Ouais. Hmm. Qu'est-il devenu depuis? Ah ben bah, depuis rock voisine. Attention, tu vas te faire des ennemis parce que J'en ai qui écoutent là. Alors, non, mais il chante toujours, Rugvasi, il fait toujours des albums. Mais c'était vraiment un gros succès pour lui, ça. Ah, c'était vraiment un gros succès, oui, tout à fait. Aucune médisance de ma part. Non, je sais bien, je plaisante. Alors, je fais un petit coucou à deux fans, tu vois, de Rugvasi. Elles se reconnaîtront, Sandy et Pidin. Alors, elles ont un t-shirt, toutes les deux, sûrement qu'elles ont eu un concert marqué Rugvasi, tu sais, tout brillant. Ah oui. Voilà, c'est bien noté, c'est tout brillant, c'est tout joli. Bah, c'est très. Hein, c'est bien. Très beau. C'est bien. Alors là, là, on va repartir aussi vers une chanson. Voilà, un peu plus rythmée, qu'on écoute. Oh là là, Lily. Ne supporte pas l'idée du travail. La moindre pensée lui donne la fièvre, et au moindre pas, ses jambes défaillent. Et son premier jour, elle a soupiré, au lieu de crier comme tous les bambins. Mais curieusement, quand on l'a couché, dans son blanc berceau, elle s'est sentie bien. Oh là là, Lily, Oli, oh là là. Oh la la Lily, la santé qu'elle a. Oh la la Lily, Oli, oh la la. Oh la la Lily, l'appétit qu'elle a. Lily n'a jamais jamais supporté d'habits sur le dos, alors elle vit nue. Elle dit que sa mère en femme sensée l'a fait au dodo et qu'elle continue. Elle reste alitée sous les alizés. Elle s'est trop piquée à l'air tropical. Elle a une passion pour les mots croisés, mais elle ne remplit que l'horizontale. Oh là là Lily, Oli oh là là. Oh là là Lily, la santé qu'elle a. Oh là là Lily, Oli oh là là. Oh là là Lily, l'appétit qu'elle a. Elle pourrait donner son amour à Marc et sa beauté au sable brûlant. Comme elle est de plus en plus insomniaque, pour se rattraper, sa sieste l'attend. Oh là là Lily, Oli oh là là. Oh là là Lily, Oli oh là là. Rêve en plein jour. Elle n'a jamais pris le temps de penser qu'à rire de tout et à faire l'amour. Et moi je crois bien que c'est contagieux. Je sens le virus déjà me ronger. Nous allons rester au lit tous les deux. Et pour vivre heureux, nous vivrons cachés. Oh là là, Lily, au lit, oh là là. Oh là là. Santé qu'elle a. Oh la la Lily, Oli oh la la. Oh la la Lily, l'appétit qu'elle a. Oh la la Lily, Oli oh la la. Oh la la Lily, Oli oh la la. Oh la la Lily, Oli oh la la. Oh la la Lily, Oli oh la la. Oh la la Lily, Oli oh la la. Oh la la Lily. Voilà donc une chanson de David Martial. Hein. C'est un chanteur originaire de la Martinique et bien connu par sa chanson Célimène. Est-ce que tu connais Célimène? Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est Célimène. Oui, tu vois. Oui. Alors je dédicace cette chanson à mon amie agente Lynn. Alors vous avez entendu les paroles. Bon, voilà, c'est sympa. Voilà, mais Lynn n'est pas du tout comme ça. Puis je te remercie, Lynn, donc, pour ta collaboration efficace sur nos émissions. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors on va retrouver maintenant Angélique. Voilà Angélique, Christian Vidal, que j'avais le plaisir de recevoir dans nos studios le 1er novembre 2018. Il nous avait fait le plaisir de se déplacer depuis la Belgique. Quand même. Ah ouais, c'était super sympa. Quelle Il est heure. Super sympa, on a passé 1h30 de bonne humeur, de belles chansons. Il était accompagné d'Evolène aussi, que j'embrasse si elle écoute l'émission. Voilà, puis Christian aussi. Voilà, c'était vraiment sympa. Alors... Maintenant, on va offrir une rose à Sandra. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime. D'une nuit pour dénouer nos deux vies. Sandra m'a quitté sans bruit et par orgueil je l'ai laissé partir sans la retenir. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Je crains qu'il ne soit trop tard, mais mon cœur à croire que Sandra ne reviendra, car il existera toujours un dieu pour les amoureux. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime. Voilà, on vient de faire un slow avec Lia. Bon, on n'a pas le live Facebook aujourd'hui. Bah heureusement. Vous ne verrez pas. T'es toujours là, Lia ? Mais je suis toujours là. J'avais peur que ton fauteuil descende encore. Non, ça va, je ne suis pas pliée dans le fauteuil. Ça va, c'est bien. Ouf. Donc, une rose pour Sandra. L'interprète, c'est Jimmy Frère, un chanteur belge. D'accord. Je souligne quand même que c'est une chanson de 1972. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs belges qui ont fait carrière aussi en France. Ah oui. Christian Vidal, c'était un chanteur belge. Claude Michel, qu'on a entendu tout à l'heure, c'était un chanteur belge. Donc Jimmy Frey aussi, c'est vrai qu'ils ont fait des beaux succès chez eux, là-bas en Belgique. Et nous, ça, on les a découverts aussi en France. C'est vrai qu'il y a des bons chanteurs en Belgique. Comme là, au Québec, au Canada, ils sont quand même assez doués sûr. Là-bas. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Alors on va retrouver Tendre Cathy. De tendresse et de joie. Voilà, tendre Cathy. Belle chanson, hein. Christian Delagrange, qui m'avait très fait belle aussi chanson. L'amitié de... Je l'avais eu par Phoneur aussi, Christian Delagrange, à 2-3 reprises même. Ah oui. Oui, et puis je l'ai vu aussi physiquement, dans des différentes prestations sur l'Alsace l'année dernière, enfin, puis il y a 2 ans. D'accord. Ouais, tu vois, comme je dis, hein, je retrouve un petit peu tous ces artistes-là. Alors, je fais un gros bisou à toutes les Cathy que je connais. Ah bah oui. Sur Facebook. Voilà, non, pas que sur Facebook, et puis aussi, voilà, une autre Cathy que je connais, je lui fais un bisou si toutefois elle m'écoute. Voilà. Bah voilà. J'en fais des bisous hein, dans ces émissions. Bah oui, c'est vrai. Voilà, t'es un distributeur à bisous, toi. Et puis en plus, avec les prénoms féminins, comment veux-tu? Hein, c'est ça. Comment veux-tu? Donc, alors maintenant, nous allons écouter Petite Sarah. Tu seras notre fille, ma petite Sarah. Nous serons ta famille, chez nous tu grandiras. J'ai rangé ta valise, tu es chez nous, chez toi. On t'aimera, tu verras. Petite Sarah, sois la bienvenue sous notre toit. Sarah, on est bien ensemble, c'est bon de t'entendre rire aux éclats. Petite Sarah, un ange de plus entre nos bras. Belle petite Sarah, Sarah, Sarah. Nos enfants te protègent comme leur petite sœur. Ça fait longtemps qu'ils rêve d'un aussi grand bonheur. Un sourire à tes lèvres nous réchauffe le cœur comme un soleil en douceur. Petite Sarah, Sarah, sois la bienvenue sous notre toit. C'est bon de t'entendre rire aux éclats. Petite Sarah, Sarah, un ange de plus entre nos bras. Sarah, que ta vie nouvelle toujours soit plus belle. Petite Sarah, La petite Sarah, c'est de Frédéric François. C'est une chanson des années 80, avec François qui reste encore un de nos chanteurs romantiques, avec Franck Michael. Il n'y en a plus beaucoup. Puis bon, bien sûr, ceux de nos artistes que l'on reçoit, bah oui, qui font des belles chansons aussi. Alors là, je fais des petits bisous, je refais des bisous. Et là, c'est à ma petite fille, Sarah. Ah. C'est la plus grande de mes petites filles. Voilà, je fais un bisou. Sarah. Bah nous aussi, on l'embrasse. Voilà, merci. Alors, on va aller voir maintenant du côté de chez Nina. Oh Nina, vois le soleil. soleil rayonne et le ciel est bleu comme tes yeux. Si tu veux sans le dire à personne, dans ma barque partons tous les deux. Nous chercherons dans les rochers un petit coin pour nous cacher, et lorsque descendra la nuit, loin des jaloux et loin du bruit. Ce soir, Nina, comment on s'aimera. Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, oui, tu verras. Tous les deux, nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Enlacés devant la mer immense, si tu le veux, nous ne dirons rien. Et j'écouterai dans le silence ton cœur battre tout contre le mien. Puis seul sous la voûte des cieux, dans ce décor mystérieux, sous mes longs baisers passionnés, je veux te sentir frissonner. Ce soir, Nina, comment on s'aimera. Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, tu verras. Tous les deux, nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Ce soir, Nina, tu verras, tous les deux nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Voilà, Nina. Alors, c'était une chanson à l'origine chantée par Tino Rossi. Là, c'est une interprétation de Michel Orso. Voilà. Alors, il est 17h25, le temps passe vite. Nos auditeurs, nos auditrices sont un peu timides. Hein. On n'a pas eu de coup de fil aujourd'hui. Voilà, c'est dommage. Bah oui. Alors j'ai pas pu passer toutes les chansons. Voilà. Alors on va dire que cette émission, c'est un volume 1. On va à volume 2 un peu plus tard. On verra par la suite. Hein. Là, donc, on va écouter avant de se dire au revoir. On va écouter donc cette dernière chanson là. Et puis bon, c'est encore un petit coup de cœur. Donc à Dick Rivers, on termine par cette chanson là, avec ce titre Cinderella. T'as le cœur en dentelle, personne te dit que t'es belle, n'écoute pas trop. N'écoute pas les gens qui vivent pour l'argent et qui se croient beaux. L'amour partout, tu rêves, c'est comme dans les romans posto. Cinderella, cendrillon pour mon cœur à moi. Je passerai ma vie à ça, mais t'es belle et tu le sauras. Ton cafard, c'est un pauvre vieillard qui chante faux. T'as peur de ton miroir, laisse-moi venir un soir lui faire sa fête. Faire taire tous les cauchemars qui peignent la vie en noir dedans ta tête. Ma vie à ça, tu belle et tu le sauras. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine tout doucement, 17h28. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Bah oui. Hein, voilà, j'espère aussi. Voilà. Bah oui. Oui, comme je disais, bon, on fera un volume 2, hein, parce que voilà, il y a encore beaucoup de prénoms. Merci beaucoup, Lia, pour la. Mais c'est moi qui te remercie. Pour la technique, c'est gentil, pour le sourire et tout, c'est agréable. Alors, fais attention à ton fauteuil. Hein. Bah oui, oui, oui, je vais essayer de ne pas me faire avaler par le voilà, fauteuil. On va solliciter le président. Un fauteuil. Voilà, un fauteuil. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu es tes fourmis, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue. Comme aujourd'hui dans notre équipe, qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux.